Alors, vous écoutez Futur Simple, toujours sur les ondes de CKRL au 89.1, et on va terminer par quelques brèves nouvelles de l'actualité scientifique. Alors, Valérie, l'influence des excuses sur les mécanismes physiologiques et psychologiques de la colère. Oui, ça, c'est une étude réalisée au Japon et qui vient de paraître dans la revue Plus One, la revue que j'ai mentionnée tout à l'heure d'ailleurs. Donc, c'est des chercheurs qui ont demandé à 48 participants, 24 hommes et 24 femmes, d'écrire un texte d'opinion sur un problème de société. Et puis ensuite, ces textes ont été fortement critiqués et même des fois de manière insultante. Tout ça pour provoquer la colère des participants. Donc, et ensuite, les chercheurs ont mesuré les réactions physiologiques des participants en colère. Donc, ils ont mesuré les signaux électroencéphalographiques, le rythme cardiaque et l'activité électrodermale. Puis ensuite, on a fait des excuses à la moitié des participants, et puis on a laissé l'autre moitié bouillonner de colère. Et les chercheurs ont refait leur mesure des réactions physiologiques et psychologiques des participants. Et est-ce que les excuses ont fait du bien? Eh bien oui, le rythme cardiaque a diminué, puis aussi la réponse du cerveau, une réponse qui est reconnue pour être corrélée avec l'impulsion des personnes belliqueuses quand elles s'approchent de leurs agresseurs pour les éliminer. Alors, je m'explique un petit peu mieux. Chez les personnes belliqueuses, il y a une certaine activité cérébrale qui est corrélée au fait qu'elles s'approchent de leur agresseur. Donc, pendant l'expérience, cette activité cérébrale est enregistrée chez les personnes en colère, et le fait de leur présenter des excuses, des paroles apaisantes, eh bien, cette activité cérébrale caractéristique de cette agressivité, de ce phénomène d'agressivité, a diminué. Et puis, donc, l'agressivité diminue au niveau émotionnel, les émotions négatives, elles restent. Autrement dit, c'est-à-dire que les excuses brisent l'élan d'agressivité. Donc, non, on va pas tabasser la personne qui nous insulte, mais par contre, ça change rien au niveau du ressenti négatif par rapport à l'agresseur. Donc, finalement, les auteurs concluent que de demander pardon à un agresseur, c'est un bon moyen d'éviter l'agression physique, donc de sauver sa peau, mais par contre, ça change rien aux émotions négatives ressenties. Mais c'est quand même intéressant pour sauver sa peau. Tout à fait. Alors, on va faire tout le mot de la fin.